fait ce qui fait. Je meurs. Je meurs. Je meurs. Je meurs. C'est plus facile d'oublier que d'exister. Tu dois t'évader. Ça peut parfois s'oublier cette année. Je l'ai passée à t'aimer, oui, je sais. Trop souvent, à ma façon, désolé. Je te dis. Je te dis adieu, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. C'est l'heure, oui, c'est l'heure de ce qui est. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. C'est plus facile d'oublier que d'exister. Tu dois t'évader de mon cœur. C'est plus facile d'oublier que d'exister. Tu dois te battre.